Allez, on va te oublier, Julie, on est en retard. Écouter de la musique. Regarde s'il y a quelque chose à la télévision. Mais non, non. I ain't good.